William Paterson, ambassadeur australien en Corée, et ses collaborateurs se sont entretenus du 20 au 24 juin avec les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée, comme Choi Hee-chul, chef du département général de l'Asie et de l'Océanie, et Ma Dong-hee, chef de l'Institut du désarmement et de la paix. Le côté coréen a informé en détail le côté australien de la position de principe du gouvernement de la République populaire démocratique de Corée de développer invariablement les relations d'amitié avec la Fédération de l'Australie sans égard au changement de la situation dans divers secteurs, notamment la politique, l'économie et la culture, à partir de l'idéal de sa politique extérieure, indépendance, paix et amitié, ainsi que de la position sur le problème nucléaire de la péninsule coréenne et le problème des rapports intercoréens. Le côté australien a informé franchement et sincèrement de son opinion sur des questions diverses d'intérêt régional et commun, notamment la péninsule coréenne, réaffirmé de reconnaître à l'avenir aussi la République populaire démocratique de Corée comme État souverain et de ne pas la traiter de façon hostile, et attribuer l'attention à la position du côté de la République populaire démocratique de Corée, selon laquelle la politique hostile des États-Unis à l'égard de la Corée empêche considérablement la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne. Les deux parties ont discuté au sérieux des moyens pour développer les rapports d'amitié bilatéraux. L'ambassadeur australien et sa suite ont parcouru divers objets de coopération, notamment la canalisation de l'eau potable sans pompage électrique dans le district du chef-lieu de l'arrondissement de Tongnim, province du Pyongan du Nord, financée par le gouvernement australien à travers les institutions internationales.